Avez-vous vu ça? Je me suis ramassé avec un bandeau qui parle les reptiliens là. C'est que c'est une attention là. Je vais aller voir Jean Cazot, lui, s'il y en a un bandeau, parce que c'est de ça qu'il parle. Que je sache. Voyons là. Il était une fois Asseroth. Il y en a pas, lui. Il n'y en a pas, lui. Ah. Donc, moi, je parle de son affaire à lui, je me ramasse avec un bandeau de Cugus, puis lui, je veux dire, on se ramasse avec des bandeaux si on parle de COVID, si on parle de reptiliens, si on parle de francs-maçons. Ouais, mais d'un coup, c'est tout lié, ces affaires-là, d'une certaine façon. Moi, qu'on m'explique pourquoi. Jean Cazot nous arrive avec des affaires, c'est comme des noms de Goïssi, ça vient d'où ça? D'une certaine façon, la Goïssi, on peut faire remonter ça aux mages de l'Antiquité, comme Salomon, ça a rapport à quoi? Qui est obsédé par Salomon? Les francs-maçons. Qui est franc-maçon? Jean Cazot. Jean Cazot. Les Gugus qui nous amènent, il y a tout le temps des affaires que on dirait qu'il y a des mythes antiques dedans, tellement que c'en est louche. Je veux dire, comme Raoul Auclair, là, son affaire, l'Immaculée, là, puis la cinquième personne en Dieu, c'est tellement les mythes d'Isis, puis tout, puis. Je veux dire, ils peuvent toujours venir me dire que c'est pas ça. Au pire, je peux faire un exposé de 5 heures, je l'ai lu son livre. Puis c'est pareil pour ben des affaires. Je veux dire, dans le sens que vous prenez-vous pour des caves. Nous prenez-vous pour des caves. Je veux dire, les gugus de temple de Salomon, là, ils rament, puis les trois coups, puis ça ressemble à des mythes égyptiens de reconstitution d'un corps divin que vous savez très bien dans le fond, puis c'est tout le temps l'avènement du royaume, puis il revient tout le temps les mêmes affaires. Il revient tout le temps les mêmes patentes, les gugus de Melchisédek, puis des affaires que, dans le fond, là, avez-vous fini de rire du monde? Moi, c'est ça l'affaire, là. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est tout. C'est une farce. Voyons donc. Pourquoi vous faites ça? Je veux dire, je me doute bien qu'il y a des. C'est juste ça, là. Moi, je considère que c'est rire du monde. Tout ça. Tout ça. Comme, je comprends pas, moi, André Pitt qui dit qu'il est un troll, puis dès le début, il a toujours été un troll, puis que c'est un troll, puis qu'il appuie là-dessus, qu'il est un troll, puis faudrait y faire confiance pour se faire réformer. L'autre là, Amel, Stéphane Amel, lui aussi appuie là-dessus, c'est du trollage, c'est du trollage. Ben oui, mais ça s'appelle en toute franchise son affaire, puis c'est du trollage tout le temps, c'est ça qui est question, puis il est donc admiratif de. C'est incroyable comment est-ce que, justement. Prenez les Français, il n'y a pas plus vassaux des Américains que les Français. Ils ont classé la Scientologie comme une organisation sectaire, une dérive sectaire, mais à la fin des Jeux Olympiques de Paris, ils remettent la torche à qui? À Tom Cruise. Tenez-vous debout. Voyons donc pourquoi vous faites ça. Depuis des histoires qui est arrivées dans le temps de Charles VII, puis bon, encore aujourd'hui, le roi d'Angleterre a prétention d'être aussi roi de France. Quand le roi Charles, il a été couronné, c'est aussi comme roi de France, puis les francs-maçonneux, là, républicains, là, de la République, là, eux autres, ils sont tellement fiers d'avoir décapité Louis XVI, ça lui fait rien qu'il fasse déjà. Non, il est allé manger à Versailles, Charles. Comme là, Secret d'Histoire, ils ont publié quelque chose là, dernièrement sur Louis XI. Le règne de terreur de Louis XI. Ça, c'est parce qu'il y a encore un poids politique, Louis XI. Ça fait que moi, je vais mettre un lien d'une chaîne qui remet les choses en place. C'est ça que vous voulez?